Il existe encore deux autres catégories dont les voyelles changent au présent, au subjonctif, pour donner un ordre, mais aussi à la forme « être en train de » et au passé sans plongeoir, pour « il » ou « elle » au singulier et au pluriel, ce qui est différent des verbes que l'on a vus jusqu'à présent. Les voyelles des verbes de l'une de ces catégories passent de « e » à « ie » au présent, au subjonctif et pour donner un ordre. De plus, les voyelles de ces verbes passent de « e » à « i » pour « être en train de » et pour le passé sans plongeoir. Le verbe « mentir » qui se dit « mentir » M-E-N-T-I-R, fait partie de cette première catégorie. Nous avons donc « miento » pour le présent, « mienta » pour le subjonctif et, à la forme « être en train de », on obtient « mintiendo ». Le « e » de la racine devient « i ». Au passé sans plongeoir, on a « mintio » pour « il ou elle a menti ». Entraînons-nous un peu. Comment diriez-vous, pour commencer, « je ne mens jamais » ? No miento nunca. Je l'espère bien. No miento nunca. On peut dire aussi en espagnol « nunca miento ». Le mot « no » n'est alors pas employé. Et comment diriez-vous « nous ne mentons jamais » ? No mentimos nunca. No mentimos nunca. Vous pouviez dire aussi « nunca mentimos ». Dans « mentimos », on insiste sur la terminaison, sur le « i » plus précisément. Donc, le « e » de la première syllabe ne subit pas de pression et ne change pas. Comme je vous l'ai dit, dans les constructions avec « en train de » qui se traduisent par un verbe « en yendo » en espagnol, hein, pour le verbe « en ir », « mentir » devient « mintiendo » avec un « i » dans la première syllabe. Comment diriez-vous alors « il est en train de mentir » ? Il fallait dire effectivement « está mintiendo ». Au passé sans plongeoir, le « e » de « mentir » se transforme aussi en « i ». On a ainsi « mintio » pour « il ou elle a menti » ou « vous avez menti au vouvoiement » et « mintieron » pour « il ou elle ont menti ». Vous partirez toujours de « mintieron » pour former le subjonctif que l'on utilise dans une phrase au passé. Ce subjonctif s'appelle le subjonctif imparfait. Le subjonctif présent est « mienta » et le subjonctif imparfait « mintiera ». Tous les deux s'emploient après des verbes exprimant un doute, une possibilité, un souhait, etc. Mais l'un s'utilise dans une phrase au présent et l'autre dans une phrase au passé. Vous partez donc du passé sans plongeoir, mintieron, pour former le subjonctif imparfait mintiera. Ça a l'air compliqué, mais en fait, ça ne l'est pas. Vous avez déjà appris cela dans les méthodes précédentes. Ce sera plus facile de comprendre avec un exemple. Comment direz-vous « je ne voulais pas qu'il me mente » ? No quería que me mintiera. No quería que me mintiera. Quiero que est toujours suivi du subjonctif présent. On dira par exemple « no quiero que me mientas » « je ne veux pas que tu me mentes ». Donc, « quería que » vu que c'est les temps des longueurs, est toujours suivi du subjonctif imparfait, c'est-à-dire ici, mintiera. En français, on perd souvent ce genre d'accord à l'oral. On dit « je ne voulais pas qu'il me mente », alors que l'on devrait dire « je ne voulais pas qu'il me mentit ». Toutefois, on garde toujours ces accords en espagnol, même à l'oral. Donc, pour résumer, on a « miento » au présent, mienta au subjonctif présent et pour donner un ordre, mintiendo pour dire être en train de mentir, mintio pour il ou elle a menti, mintieron pour il ou elle ont menti et mintiera pour le subjonctif dans une phrase qui est au passé. Ne vous affolez pas, ça a l'air compliqué, mais avec un peu de pratique, vous utiliserez ces temps sans réfléchir. L'autre catégorie fonctionne de la même façon, mais pour les verbes qui ont un « o » dans la racine, comme c'est le cas de « dormir ». Ce « o » devient « ue » au présent, au subjonctif présent, et pour donner un ordre. Il devient « u » à la forme « être en train de », il devient également « u » au passé sans plongeoir pour « il, elle » au singulier et au pluriel, et pour le « vous » du « vouamment », et au subjonctif imparfait. Décidément, certains verbes sont vraiment rebelles. Dites-moi alors, en utilisant « ultimamente », je ne dors pas bien dernièrement. No duermo bien últimamente. No duermo bien últimamente. Dites-moi maintenant, nous ne dormons pas bien dernièrement. No dormimos bien últimamente. No dormimos bien últimamente. Comme nous l'avons vu plusieurs fois, à la forme avec « nous », il n'y a pas de changement de voyelle. Traduisez maintenant « il est en train de dormir ». Rappelez-vous que, avec « être en train de », le « o » devient « u ». Está durmiendo. Está durmiendo. On a donc « duerme » pour « il ou elle dort » et « está durmiendo » pour « il ou elle est en train de dormir ». Dites-moi, en n'oubliant pas que le « o » devient « u » au passé sans plongeoir, hier, il a beaucoup dormi. Ayer durmió mucho. Ayer durmió mucho. Au pluriel, pour il ou elle ont dormi, on aura durmieron. Et au subjonctif imparfait, vu que l'on part de durmieron, on obtiendra durmiera. Traduisez alors en utilisant cine, C-I-N-E, pour cinéma. Je ne voulais pas que mon frère dorme parce que je voulais aller au cinéma. No quería que mi hermano durmiera porque quería ir al cine. No quería que mi hermano durmiera porque quería ir al cine. La phrase est au passé, comme le montre quería. On a donc durmiera. Littéralement, je ne voulais pas que mon frère dormît.